à une dame créole. Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu, sous un dais d'arbres tout empourpré et de palmiers, d'où pleut sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés. Son teint est pâle et chaud. La brune enchanteresse a dans le col des airs noblement maniérés. Grande et svelte, en marchant comme une chasseresse, son sourire est tranquille et ses yeux assurés. Si vous alliez, madame, au vrai pays de gloire, sur les bords de la Seine ou de la Verte Loire, belle, digne d'orner les antiques manoirs, vous feriez à l'abri des ombreuses retraites germer 1000 sonnets dans le cœur des poètes que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs.